Les trois fûts en plastique que vous voyez contiennent environ 80 kilos de choucroute qui ont été fabriqués lors de notre Crude Triple Dance Party, lors de l'anniversaire du Shaddock.